L'expédition de Tabouk au mois de Rajab de l'an 9 de l'Hégire. La conquête de la Mecque fut un événement décisif qui permit la victoire de la vérité sur l'erreur et l'égarement. Après cette victoire, les Arabes n'eurent plus aucun doute concernant la mission de Muhammad alayhi salatu wassalam. D'où l'entrée des gens en islam par vagues successives, comme nous le verrons un peu plus loin. En est également témoin le nombre très imposant de pèlerins qui participèrent au pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada'. Tous les troubles intérieurs cessèrent. Les musulmans purent alors se consacrer à l'enseignement des lois divines ainsi qu'à la propagation de l'islam. Les causes de l'expédition de Tabouk. Le pouvoir byzantin, qui était alors considéré comme constituant la plus grande puissance militaire sur terre, faisait preuve d'une hostilité injustifiable à l'encontre des musulmans. Leur opposition se concrétisa par le meurtre de l'ambassadeur du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Al-Harith ibn Umair al-Azdi, par Shurahbil ibn Amr al-Ghassani. L'ambassadeur musulman était alors en route pour porter un message au gouverneur de Bousra en Palestine de la part du prophète, alayhi salatu wassalam. Suite à cette traîtrise, fut envoyé un détachement commandé par Zayd ibn Haritha contre les Byzantins qui entraîna un âpre combat à Mu'ta. Bien que les forces musulmanes furent dans l'impossibilité de se venger de ces tyrans hautains et très orgueilleux, cette confrontation guerrière produisit une forte impression sur tous les Arabes de la péninsule. César était conscient du bénéfice moral remporté par les musulmans à l'occasion de cette bataille, ainsi que des aspirations indépendantistes des tribus arabes assujetties à son pouvoir. César s'inquiétait donc de la montée de la menace que représentait à ses yeux l'islam, qui ne cessait de s'étendre vers les territoires sous domination byzantine. Pour tenter de réaliser son objectif, César rassembla moins d'un an après la bataille de Mu'ta une énorme armée composée de Byzantins et de guerriers arabes des tribus rassanides pro-byzantines en vue de lancer un combat sanglant et décisif contre les musulmans. Les musulmans prennent connaissance des préparations de l'ennemi. Lorsque la nouvelle des préparatifs militaires byzantins fut parvenue à Médine, la peur s'installa partout dans la cité. Le moindre bruit suspect était perçu comme l'écho d'une quelconque marche byzantine sur Médine. Omar ibn al-Khattab éprouvait également une certaine appréhension, et l'histoire suivante témoigne de la psychose qui régnait alors à Médine. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait juré de rester à l'écart de ses épouses pendant un mois et s'était retiré dans une chambre. Au début, ce fut l'étonnement chez les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui ne parvenaient pas à s'expliquer un tel comportement. Ils pensèrent que le prophète, alayhi salatu wassalam, les avait répudiés, c'est pourquoi ils s'en affligèrent. Omar a dit dans sa version de cet événement « J'avais un compagnon parmi les Ansar qui m'informait souvent de ce qui se passait durant mon absence, et de mon côté je lui apportais des nouvelles lorsqu'il s'absentait. Or, à ce moment, nous avions de vives inquiétudes au sujet d'un des rois de Rassan qui, selon certaines rumeurs, voulait nous attaquer. Nous étions absorbés par cette pensée aussi quand j'entendis mon compagnon frapper à la porte et crier « Ouvre, ouvre !» Je demandai « Est-ce le prince de Rassan qui arrive ?»« Non, » me répondit-il, « c'est quelque chose de bien plus grave. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est séparé de ses femmes. » Cet état de grande tension dénotait de la gravité de la situation créée par l'annonce de l'imminence d'une attaque byzantine. D'autant plus que les hypocrites se mirent à comploter dès que la nouvelle des préparatifs militaires des Byzantins atteignit Médine. Ils créèrent un centre de conspiration et d'intrigue très actif sous l'apparence trompeuse d'une mosquée, Masjid ad-Dirar, c'est-à-dire la mosquée du mal. Ils invitèrent le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il vienne consacrer le lieu en y priant personnellement. Mais comme il devait partir pour Tabouk, il leur promit d'y venir à son retour. Entre-temps, la révélation divine lui apprit la vérité sur cet édifice destiné non à la prière, mais au contraire aux rencontres entre les éléments hostiles à l'islam. C'est pourquoi, dès son retour, le prophète, alayhi salatu wassalam, dépêcha-t-il des musulmans pour le démolir. Informations sur les préparatifs des Byzantins et des Rassanides. Des Arabes, en provenance de la Syrie, arrivèrent à Médine pour y vendre de l'huile. Ils rapportèrent aux musulmans qu'Héraclius avait constitué une armée de 40 000 hommes en plus des hommes de l'Arm, d'Uzam et des autres tribus arabes christianisées. Ils ajoutèrent que l'avant-garde de cette armée avait déjà atteint Al-Balqa. À ce danger imminent s'ajoutaient des facteurs défavorables à une éventuelle marche contre les Byzantins. Le temps était caniculaire. L'année avait été une année de disette. La saison de la cueillette des fruits et des dattes s'approchait. Les gens ne souhaitaient pas quitter Médine, d'autant plus que la distance était grande et que les pistes étaient difficiles. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se montra le plus apte à évaluer précisément et justement la situation et ses développements. Sa conclusion était claire. Tarder à réagir ou traiter la menace passivement permettrait aux Byzantins de se répandre dans les provinces contrôlées par les musulmans et même de marcher sur Médine. Ce qui ne manquerait pas d'affaiblir la notoriété de l'islam et la crédibilité militaire des musulmans. Les croyances et traditions anti-islamiques de la Jahiliya, qui étaient à cette époque en train de s'éteindre, notamment à cause du coup décisif qu'avait représenté la victoire de Hunayn, pourraient se trouver revigorées dans un environnement cette fois défavorable à l'islam. Les hypocrites conspiraient afin de frapper les musulmans traîtreusement, tandis que les Byzantins les attaqueraient de front. Ainsi, risquaient d'être anéantis les efforts du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons pour répandre l'islam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était conscient de cette menace. C'est pourquoi, en dépit des épreuves et de la sécheresse qui frappait les musulmans, il voulut partir à la rencontre des Byzantins et mener une bataille sur la frontière de leur territoire. Il était déterminé à ne pas atermoyer afin de contrecarrer toute tentative de leur part d'approcher les terres de l'islam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ordonna donc à ses compagnons de se préparer au combat. Il demanda également l'assistance des Mécois et des autres tribus arabes. Contrairement à son habitude de cacher la véritable destination de ses expéditions, il annonça cette fois ouvertement son intention d'aller combattre les Byzantins. Il clarifia la situation aux musulmans afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions et il les exhorta à lutter dans le sentier d'Allah. C'est à cette occasion qu'une partie de la sourate 9 à Taouba, le repentir, fut révélée par Allah, appelant les musulmans à faire preuve de vigueur et de fermeté. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les encouragea également à offrir des aumônes ainsi qu'à dépenser le meilleur de leurs biens pour la cause d'Allah. À peine les musulmans eurent-ils entendu la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, les appelant à combattre les Byzantins, qu'ils se hâtèrent de répondre à son injonction. Les préparatifs furent menés rapidement et avec zèle. De toutes parts, des tribus firent converger des guerriers vers Médine. Presque tous les musulmans répondirent favorablement à son appel. Seuls restèrent à l'arrière ceux qui avaient une faiblesse dans le cœur, invoquant toutes sortes de prétextes, de même que trois autres musulmans sincères. Même les pauvres et les nécessiteux, qui ne pouvaient s'offrir une monture, vinrent trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui en demander une afin de pouvoir participer à la lutte contre les Byzantins. Mais lorsqu'il leur dit « Je ne trouve pas de monture pour vous », ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Sourate 9, verset 92, selon le sens du verset. Les musulmans rivalisèrent de générosité à cette occasion afin de couvrir les frais de l'expédition. Othman, par exemple, qui avait déjà équipé 200 chameaux pour le voyage jusqu'au Cham, la Syrie actuelle, les offrit en même temps que 211 d'or en aumône. Il apporta également 1000 dinars qu'il donna au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui lui dit « Que Othman fasse ce qu'il veut, il sera pardonné ». Othman redonna ensuite d'autres biens, dont entre autres 900 chameaux et 100 chevaux. Abdurrahman ibn Auf, de son côté, apporta 211 en argent. Tandis qu'Abou Bakr versa tout ce qu'il possédait en disant qu'il confiait sa famille à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Omar donna la moitié de sa fortune. Al-Abbas versa une grosse somme d'argent. Talha, Sa'd ibn Ubada et Muhammad ibn Maslama participèrent eux aussi au financement de l'expédition. Asim ibn Adi, à son tour, offrit 90 charges de dattes. Les gens s'empressèrent de verser des aumônes, même modestes, comme une mesure ou une demi-mesure de blé. Les femmes firent elles aussi preuve de générosité en donnant leurs objets personnels tels que musques, bracelets, chaînettes de cheville, boucles d'oreilles et bagues. Les seuls à s'abstenir de dépenser leur argent par mépris ou par avarice furent les hypocrites. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux. Qu'Allah les raille! Et ils auront un châtiment douloureux. Sourate 9, verset 79, selon le sens du verset. L'armée musulmane part pour Tabouk. Une fois parachevé l'équipement de l'armée, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nomma Muhammad ibn Maslama al-Ansari comme son lieutenant à Médine. Il confia à Ali ibn Abi Talib les affaires et la sécurité de sa famille et lui enjoignit de rester auprès d'elle. Ce rôle dévolu à Ali provoqua le mépris des hypocrites à son égard. Et c'est pourquoi Ali se hâta de rattraper le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fit revenir à Médine après avoir prononcé les paroles suivantes. « Ne te suffirait-il pas d'être mon remplaçant, de la même manière que Haroun Aaron fut celui de Moïse ?» Puis il fit la remarque suivante, « Toutefois, aucun prophète ne viendra après moi. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se mit en route pour Tabouk vers le nord le jeudi. L'armée musulmane comptait 30 000 guerriers, et elle était la plus grande armée jamais rassemblée par les musulmans. Mais en dépit de tous les dons généreux effectués, l'armée n'était pas entièrement équipée. Le manque de montures était tel que 18 hommes montaient à tour de rôle sur un seul chameau. Quant aux provisions, les soldats mangeaient parfois les feuilles des arbres au point que leurs lèvres s'enflèrent. Certains sacrifièrent des chameaux, bien qu'ils soient si chers à leurs yeux, afin de boire l'eau que contenaient leurs estomacs. C'est pour cette raison que cette armée fut surnommée l'armée de la détresse. L'armée musulmane passa près d'Al-Hijr, le pays natal des Thamoud qui, par le passé, taillait de grands blocs de pierre dans la vallée d'Al-Qura. Les musulmans puisèrent de l'eau à son puits, mais plus tard, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur ordonna de ne pas boire de cette eau et de ne pas s'en servir pour accomplir l'ablution. La pâte qu'ils avaient confectionnée grâce à cette eau ne servit finalement qu'à nourrir les chameaux. Comme alternative, il leur ordonna d'aller se désaltérer au puits où s'abreuvait la chamelle du prophète Saleh, alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté d'après Ibn Omar que lorsqu'il vint à passer près d'Al-Hijr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « N'entrez pas dans les demeures de ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, de peur que ne s'abatte sur vous ce qui s'est abattu sur eux, mais si vous deviez quand même y entrer, alors que ce soit en pleurant. » Puis il voila sa tête et accéléra son allure jusqu'à ce qu'il sortît de la vallée. Les musulmans souffraient du manque d'eau et ils s'en plaignirent auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Aussi supplia-t-il Allah qui envoya des nuages chargés de pluie. Il plut et ainsi tous purent boire et se réapprovisionnèrent en eau. Lorsque l'armée fut parvenue non loin de Tabouk, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Si Allah le veut, vous arriverez demain à la source de Tabouk. Vous n'y serez pas avant que le soleil ne soit haut à l'horizon. Ne touchez pas à son eau, attendez que j'arrive. » Mu'az dit « Quand nous arrivâmes près de la source, de l'eau en jaillissait. Nous nous sommes alors aperçus que deux hommes nous y avaient précédés. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur demanda « Avez-vous touché à cette eau ?»« Oui, » répondirent-ils. Il les en blâma, puis il se servit du peu d'eau qui restait pour laver son visage et ses mains avant de le reverser dans la source. Une grande quantité d'eau en jaillit alors et les musulmans purent ainsi se désaltérer. En chemin vers Tabouk, ou bien une fois arrivé à Tabouk, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit aux musulmans « Un vent très fort soufflera cette nuit, qu'aucun d'entre vous ne se lève. Quiconque possède un chameau devra l'attacher. » Plus tard, quand le vent annoncé se déclencha, l'un des soldats se leva et il fut alors emporté au loin jusqu'aux deux monts de Taï. Durant tout le trajet, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, regroupa les prières de Dhor et de la Asr d'une part et les prières du Maghrib et du Isha d'autre part. L'accomplissement des deux prières regroupées s'effectuait soit pendant le temps de la première prière, soit pendant le temps de la seconde. L'armée musulmane établit son campement à Tabouk, prête à faire face à l'ennemi. C'est à ce moment que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, prononça un discours éloquent, substantiel et concis. Il y incita les musulmans à rechercher le bien-être de ce monde et de l'au-delà. Il les réconforta et les rassura quant à leur avenir, les incitant ainsi à ne pas perdre courage face à cette épreuve. En apprenant la nouvelle de la marche des musulmans, les Byzantins et leurs alliés furent saisis de terreur à un point tel qu'aucun d'entre eux n'osa aller à leur rencontre. Au contraire, leurs forces se dispersèrent, renforçant ainsi la réputation militaire des forces musulmanes au centre de la péninsule arabique, tout comme dans ses régions les plus reculées. Les musulmans remportèrent un grand succès politique, bien plus important que celui qu'ils auraient pu acquérir si les deux armées s'étaient trouvées engagées dans une confrontation militaire. Le gouverneur d'Aïla sur le golfe d'Al-Aqaba, Yohana ibn Ru'aba, vint à la rencontre du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour conclure la paix avec lui et verser la jizya. Les gens de Jarba et Adhru' lui versèrent également ce tribut. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, donna à chacun un document de caution semblable à celui reçu par Yohana. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dépêcha Khalid ibn al-Walid à la tête de 450 cavaliers auprès d'Ukaydir à Dumatul Jandal en lui disant « Tu le trouveras en train de chasser des oryx. » Et lorsque Khalid s'approcha du château d'Ukaydir, il vit un oryx frotter ses cornes contre le portail de cet édifice. Bénéficiant de la lumière de la pleine lune, il put voir Okeydir sortir pour le chasser et il le captura. Puis il le ramena auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui lui épargna la vie et conclut la paix avec lui contre un tribut de 2000 chameaux, 800 têtes de bétail, 400 cottes de maille et 400 lances. Okeydir accepta de verser la jizya, et le prophète, alayhi salatu wassalam, le chargea aux côtés de Yuhanna de la collecte de la capitation dans les régions de Jumatul Jandal, Tabouk, Eila et Toïma. Les tribus anciennement alliées aux Byzantins comprirent dès lors que leur dépendance vis-à-vis de leurs anciens maîtres touchait à sa fin. C'est pourquoi elles se rallièrent à la cause islamique. Ainsi les frontières de l'État musulman s'élargirent au point d'atteindre celles des Byzantins et de leurs agents. Ces derniers furent dès lors, et dans une large mesure, réduits à l'inaction. Le retour à Médine. L'armée musulmane revint de Tabouk victorieuse sans qu'elle eût à engager de combat. Sur le chemin du retour, alors que la piste longeait une pente montagneuse, 12 hypocrites cherchèrent à attenter à la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se trouvaient alors isolés, en compagnie seulement de Ammar ibn Yasir qui tenait les rênes de sa chamelle et de Hudhayfa ibn al-Yaman qui devait les guider puisque les autres musulmans se trouvaient déjà dans la vallée en contrebas. Les hypocrites virent là l'occasion d'exécuter leur noir dessein. Tandis que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et ses deux compagnons cheminaient, des gens arrivèrent vers eux par derrière, le visage dissimulé. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, envoya dans leur direction Hudhayfa qui, armé du bâton du prophète, alayhi salatu wassalam, frappa leurs montures à la tête. Allah jeta la terreur dans leur cœur et ils s'enfuirent. Hudhayfa arriva cependant à les reconnaître et il cita leur nom au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'informant de plus sur leurs intentions. Suite à cette mésaventure, Hudhayfa fut appelé le confident du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Allah dit à propos de cet événement selon le sens du verset « Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir ». Sourate 9, verset 74. Le prophète, alayhi salatu wassalam, prononça les paroles suivantes lorsque Médine commença à poindre à l'horizon. « Voici la montagne d'Uhud, nous l'aimons et elle nous aime. » Quand les Médinois apprirent l'arrivée imminente de l'armée, ils sortirent à la rencontre des soldats. La marche vers Tabouk du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, eut lieu au mois de Rajab et le retour s'effectua au mois de Ramadan. Cette expédition dura 50 jours, 20 furent passés sur place à Tabouk et les 30 autres furent consacrés au voyage. Ce fut en outre la dernière expédition à laquelle participa le prophète, sallallahu alayhi wasallam. Le sort réservé à ceux qui n'avaient pas pris part à l'expédition. Cette expédition constitua une rude épreuve de la part d'Allah, exalté soit-il, venant distinguer les croyants de la masse des gens. Telle est la volonté permanente d'Allah en pareille situation. Allah dit « Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. » Sourate 3, verset 179 selon le sens du verset. Le fait de rester à l'arrière et de ne pas participer à cette expédition équivalait à de l'hypocrisie. Chaque fois que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entendait parler d'un homme resté à l'arrière, il disait « Laissez-le à son propre sort. Si Allah sait qu'il y a du bien en lui, il le rendra capable de vous rejoindre. Sinon, Allah nous soulagera de sa présence. » Personne ne demeura à Médine, excepté ceux qui avaient été empêchés par un motif sérieux et les hypocrites qui proféraient des mensonges à l'encontre d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Certains de ces hypocrites firent usage pour se dérober de faux fuyants basés sur la pure tromperie et le mensonge. D'autres ne demandèrent même pas de permission pour rester à l'arrière. Mais trois croyants manquèrent à leur devoir de façon complètement injustifiée. Ce furent eux dont la foi fut éprouvée par Allah, mais plus tard, il se tourna vers eux avec miséricorde et acceptant leur repentir. Dès que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut rentré à Médine, il accomplit deux unités de prière, puis il s'assit afin de recevoir les gens. Les hypocrites, qui étaient plus de 80, vinrent lui présenter différentes sortes d'excuses et jurèrent tous de leur bonne foi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, agréa leurs divers motifs et invoqua la clémence d'Allah pour eux, en s'en remettant toutefois à son Seigneur quant à leurs pensées profondes et quant à la réalité ou non de la foi dans leur cœur. Concernant les trois croyants fidèles, Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi' et Hilal ibn Umayya, qui préférèrent quant à eux dire la vérité, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda à ses compagnons de ne plus leur adresser la parole. Ils se trouvèrent par conséquent mis en quarantaine et exclus de la vie de la communauté. Tout le monde leur tourna le dos. Ainsi leur sembla-t-il que la terre entière s'était resserrée sur eux en dépit de sa vaste étendue et ils se sentirent très mal à l'aise. Cette période éprouvante pour eux, qui devait durer plus de 40 jours, trouva son point culminant lorsqu'il leur fut ordonné de se tenir à l'écart de leurs épouses. Après 50 jours d'exclusion sociale, Allah se tourna vers eux et révéla le verset suivant. « Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. » Sourate 9, verset 118, selon le sens du verset. Ce pardon de la part d'Allah apporta une grande joie aux trois musulmans concernés ainsi qu'à tous les autres membres de la communauté. Quant à ceux qui s'étaient absentés à cause d'une infirmité ou d'une maladie ou d'une toute autre excuse, Allah dit à leur sujet « Nul grief sur les faibles ni sur les malades ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah s'ils sont sincères envers Allah et son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Sourate 9, verset 91, selon le sens du verset. Alors qu'il se trouvait non loin de Médine lors de son retour de Tabouk, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « À Médine, il y a des hommes qui n'ont jamais cessé d'être à vos côtés. Ils ont été retenus par des excuses valables. Ils étaient avec vous lorsque vous traversiez les vallées ou lorsque vous avanciez sur les pistes. Veux-tu dire qu'ils ont fait tout cela en demeurant à Médine ?» lui demandèrent ses compagnons avec étonnement. « Oui. » « Et bien qu'il n'ait pas quitté Médine, » dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Les conséquences de l'expédition de Tabouk. Cette expédition eut des effets tout à fait notables sur la confirmation et l'extension de l'influence des musulmans sur la péninsule arabique. Il devint évident pour tous que seul l'islam exercerait désormais et durablement un pouvoir sur les Arabes. Les derniers partisans de la Jahiliya, ainsi que les hypocrites qui n'avaient cessé de conspirer activement contre les musulmans en s'appuyant sur le pouvoir byzantin lorsqu'ils en avaient besoin, perdirent leurs illusions de retrouver leur influence d'antan. Conscients qu'ils n'avaient plus d'issue et qu'ils devaient accepter cette nouvelle situation, ils abandonnèrent leurs actions subversives. Les hypocrites ne furent dès lors plus traités avec complaisance par les musulmans. Allah enjoignit aux musulmans non seulement d'être sévères à leur encontre, mais il leur interdit également d'accepter leur aumône et de prier sur eux après leur mort ou même de demander pour eux le pardon d'Allah ou encore de visiter leur tombe. Allah ordonna aux musulmans de démolir la mosquée qui avait servi aux hypocrites de lieu de rencontre clandestine. Quelques versets coraniques furent révélés pour les mettre à nu afin que quiconque à Médine puisse connaître leur véritable personnalité. La force de l'impact que produisit en Arabie l'expédition de Tabouk peut se mesurer par le grand nombre de délégations qui se succédèrent à Médine pour rencontrer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Des représentants des diverses tribus venaient déjà habituellement le rencontrer depuis la conquête de la Mecque, mais ces visites ne furent jamais aussi nombreuses ni aussi rapprochées que durant la période qui suivit l'expédition de Tabouk. C'est pour cette raison qu'elle fut celle qui eut le plus grand impact de toutes. Il faut également noter que de nombreux versets de la sourate 9, le repentir, sont relatifs à l'événement de Tabouk. Quelques autres événements qui marquèrent l'an 9 de l'Hégire. Des événements importants dans l'histoire de l'islam jalonnèrent la 9e année de l'Hégire, à savoir le serment mutuel d'innocence vis-à-vis de l'adultère prêté par Uweymir al-Ajlani et son épouse après le retour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de Tabouk. L'aveu d'adultère fait par la femme appelée Al-Ramidiyya et qui fut lapidée à mort après qu'elle ait sevré son enfant. La mort du négus Ashama, souverain d'Abyssinie, le prophète, alayhi salatu wassalam, accomplit la prière de l'absent en sa faveur. Le décès de la fille du prophète, sallallahu alayhi wassalam, Kulthum. Son père fut extrêmement triste en cette circonstance et il dit à Othman qui était son gendre, « Si j'avais une troisième fille, je te l'aurais donné en mariage. » La mort de Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, après le retour du prophète alayhi salatu wassalam de Tabouk. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, invoqua le pardon d'Allah en sa faveur. Il pria également pour lui, en dépit de la désapprobation de Omar, qui tenta en vain de l'en dissuader. Un verset coranique devait confirmer plus tard le point de vue de Omar.